À l'occasion du 72e anniversaire de la libération de la Corée, la homepage internet de l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté le 8e sous-titre « Le retour triomphal » du 24e chapitre « La résistance générale contre le Japon » du tome 8 suite de la première partie « La révolution anti-japonaise » des mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle.